Je te guettais, Hélène, perché dans mon cinquième. T'as 7 ans de retard, j'ai cuvé mon cafard. Te voilà, bras ouverts, des baisers à foison. Te voilà hors saison, me voici en hiver. Oh coucou, m'as-tu vu? Ben non, je t'attendais plus. À force de se faire la gueule, on se trouve bien seul. Au fond, c'est assez simple. J'étais celui qui grimpe, c'est toi qui grimpes maintenant. Dommage, moi je redescends. J'aurais aimé te mordre, et je n'écris qu'un mot. À la place des grandes orgues, c'est un air de piano. Quelques fuseaux horaires nous séparent, et pourtant, de curieux picotements aiguillonne ma chair. Abat-jour, couvre-nuit, verrous et jalousie. Apprenons à rêver d'amour sans barbelés. Le cœur, le corps, l'esprit, quelle étrange chimie. Toi, moi et ton mari, bête-roi cocu. Je te guettais, Hélène. T'as 7 ans de retard. Étrange chimie, on se trouve bien seul. Je te guettais, Hélène.